Marie-Cécile, n'oublie pas, cette année pour Noël, nous dînons avec les Balmont à la Tour d'Argent. Mais maman, je peux pas les voir en peinture, c'est pourriture capitaliste. Mardé Noël Petit Bourgeois, offrez-vous le nouveau parfum Eau de Punk de Marco Cabane et dynamitez le Noël de votre famille. Grâce à son mélange subtil d'extraits de poils de chien mouillés et d'huiles essentielles de vomi de bières éventées, cassez l'ambiance de votre repas de Noël bourgeois et coincé. Découvrez dans notre boutique rue de Passy le coffret Eau de Punk édition limitée avec son piercing en or 18 carats signé Cartier et sa crête amovible en vison véritable pour un look total punk sans vous raser la tête. Oh oui maman, je le veux. Pour un Noël chic et anarchique, Eau de Punk, l'esprit punk dans un flacon. Et l'odeur surtout.